ce que j'ai compris du fil rouge du séminaire, j'étais pas là l'année dernière, je viens d'arriver à Nanterre, donc je vais un peu à l'aveuglette, et si jamais je suis hors des clous, vous me le dites, ou alors on discutera après sur la chose. Je vais aussi dire des choses qui sont probablement très évidentes pour ceux d'entre vous qui sont sociologues ou anthropologues, mais qui ne sont pas du tout pour ceux d'entre nous qui sont philosophes, et je pense que c'est en soi une chose importante. Et la première de ces choses, c'est la manière dont on peut définir la subjectivation chez Foucault comme une pratique. Et le statut des pratiques, quand on pense en philosophe, et quand on pense singulièrement en philosophe, la subjectivation. Il y a un double déplacement sémantique chez Foucault, sur lequel je voudrais revenir pour commencer, et qui nous oblige à revenir un peu en arrière par rapport à la périodisation que j'avais annoncée, qui est le dernier Foucault, et en particulier le dernier Foucault des cours au Collège de France, et qui est cette sorte de tarte à la crème, mais j'y fais référence malgré tout, d'un Foucault qui serait celui qui aurait établi, déclaré la mort de l'homme, et donc la mort du sujet, dans la vague structuraliste, ou dans ce qu'on a appelé la vague structuraliste, qui en réalité recouvre des choses très différentes, et à l'égard de laquelle Foucault a été lui-même très changeant, d'abord très associé, puis très critique. Ce qui est intéressant à rappeler, pour moi, ici, c'est que si Foucault s'est, comme toute sa génération, comme une grande partie de sa génération, associé à la déconstruction, le terme n'est pas le sien, mais il dit ce qu'il veut le dire, d'une certaine forme du sujet, qui était celle du sujet autoréférentiel, autodonné, non historique, sujet cartésien, disait Foucault quand il pensait à la philosophie, il disait même plus largement Descartes à la phénoménologie, mais la figure du sujet qui est le point aveugle de sa propre interrogation, on va dire ça comme ça, et ça marcherait aussi pour les sciences humaines et sociales. Donc s'il a fait ça, mais l'ont fait aussi à leur manière, Dumézil, Lévi-Strauss, Benveniste, Jacobson, Deleuze, Derrida et d'autres, il y a chez Foucault quelque chose de très singulier par rapport à ces autres, et qui explique probablement pourquoi est-ce que dès 66-67 il se décale par rapport au structuralisme, avec lequel encore une fois il a une très grande proximité de méthode dans les premières années, et qui est que Foucault réintroduit quelque chose comme de la subjectivité. Et cette subjectivité, c'est pas une chose ou un pôle, et ça n'est jamais, et là c'est une grande différence avec le structuralisme, quelque chose qui échapperait à l'histoire. C'est toujours quelque chose qui est à la fois acteur dans l'histoire et produit dans l'histoire, produit par l'histoire. Alors je vais y revenir. Et ce qu'il appelle subjectivité est un premier déplacement sémantique, donc de sujet à subjectivité, qu'il réintroduit, alors que chez d'autres, encore une fois, chez Deleuze ou chez Derrida, c'est pas du tout le cas. Alors je vais pas m'arrêter sur ce déplacement-là, le premier, parce qu'en réalité, la publication des billets écrits en 94, puis l'entreprise de publication des cours à partir de 99, qui va se terminer en mai prochain, j'en profite pour vous annoncer, je peux faire deux secondes de publicité, qu'en juin 2015, nous organisons une décade de cerisier sur les cours, puisque le dernier cours aura paru fin mai. Et donc, ça sera du 11 au 18 juin. Si jamais ça intéresse quelqu'un, je vous le dirai. Et l'idée, c'est de faire de 70 à 84 les 13 cours, puisqu'il y a une année où Foucault n'a pas fait cours, en appelant des gens du monde entier pour en discuter, et bien entendu pour en discuter avec l'auditoire, puisque sur Isou, c'est 24 heures sur 24, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, il n'y a pas de verrou aux chambres, et donc les gens discutent dans les couloirs. Donc, la publication des cours à partir de 99 et qui est maintenant presque fini, en réalité a montré un deuxième déplacement sémantique. Et le deuxième déplacement sémantique, qui est celui qui, moi, m'intéresse aujourd'hui dans le contexte de ce séminaire, c'est celui qui fait passer Foucault de ce qu'il appelle les subjectivités, et qui est encore une fois une manière de réinscrire la figure du sujet dans l'histoire, à la fois comme un acteur et un produit, à ce qu'il va appeler la notion de subjectivation. Et le passage de subjectivité à subjectivation est intéressant parce que, alors pour plusieurs choses. La première, alors ça a l'air d'être une manière de couper les chemins en quatre, mais je pense que c'est important, et c'est important pour l'idée de l'épreuve et du risque à laquelle je vais arriver, c'est que il y a chez Foucault un refus très grand de penser quelque chose comme un concept de subjectivation. Parce que pour lui, ce qui se donne sous la forme d'un concept philosophique est un point arrêté sur une cartographie, une position, une identité, une entité, une chose, un contenant qui en sert une multiplicité de représentations et ou de réalités. Et cette idée que le concept en sert et pose est une chose qui ne peut pas correspondre à l'idée que Foucault se fait de la subjectivation. Parce que subjectivation déplace, alors il le dira plus tard, il le dira dans des termes qui ne sont pas exactement ce que je vais emprunter aujourd'hui, mais déplace en réalité l'analyse du registre de l'être. Qu'est-ce que c'est que la subjectivation? Le concept de subjectivation vous dit ce qu'est, verbe être, la subjectivation, à quelque chose qui serait de l'ordre de la pratique ou du faire. Et il y a chez Foucault très nettement la prise de conscience que la tradition philosophique sur laquelle nous sommes tous assis, en tout cas dans la modernité occidentale qui nous caractérise et qui remonte en réalité aux Grecs, ou en tout cas à la pensée grecque classique, la césure qu'il place, mais c'est un autre objet de débat, c'est entre Grèce archaïque et Grèce classique, hein. Cette manière de penser le concept à partir de la pensée grecque classique empêche de penser quelque chose qui serait de l'ordre de la pratique ou du faire et subsume, en serre le faire sous le registre de l'être. Alors, voilà pourquoi subjectivation est une notion et pas un concept, et voilà aussi pourquoi, en réalité, la référence à ce que Foucault va entendre par soi, pratique de soi, invention de soi, souci de soi, travail sur soi, déprise de soi, etc., etc., va être également de l'ordre de la notion et pas du concept. Ou alors, il faut accepter, et c'est finalement aussi un des enjeux de la pensée foucauldienne, mais là aussi ça nous mènerait peut-être ailleurs, que le sujet qui vous intéresse pour le séminaire, de dire que Foucault remet en chantier, remet en chantier ce que peut être un concept philosophique, réouvre la définition de ce que peut être un concept philosophique. Alors, il y a une définition, alors je suis au bord du registre qui vous intéresse, mais je voulais vous le rappeler parce que c'est une définition magnifique et elle est en réalité très, très, très fortement ancrée dans la pensée foucauldienne. C'est le dernier texte que Foucault a publié, en tout cas c'est le dernier auquel il a donné son imprimature, il était déjà à l'hôpital, donc juin 84, quelques jours avant de mourir, 10 jours avant de mourir, qui a été publié plus tard sous le titre « La vie, l'expérience, la science », et c'est le dernier texte dédié et écrit du volume 4, enfin du volume 2 pour l'édition Quarto, qui est un texte qui est très profondément traversé par des influences et des inflexions canguilhémiennes, et qui tourne autour du statut de la vie et du statut de l'expérience, et du rapport que le concept philosophique ou un concept philosophique peut avoir avec la vie entendue comme existence, et pas seulement comme vie biologique, et l'expérience, c'est-à-dire cette chose qui est traversée par des pratiques de l'agir, du faire, du déplacement, du devenir, etc., etc. Et voilà ce que dit Foucault, je vous le cite, dans le tome, moi j'ai la vieille édition, donc c'est le tome 4, c'est aux pages 774-775. Former des concepts, c'est une manière de vivre. Vous voyez, mode de vie apparaît déjà là, hein. Former des concepts, c'est une manière de vivre et non de tuer la vie. C'est une façon de vivre dans une relative mobilité et non pas une tentative pour immobiliser la vie. C'est manifester parmi ces milliards de vivants qui informent leur milieu et s'informent à partir de lui une innovation qu'on jugera comme on voudra, infime ou considérable, un type bien particulier d'information. Alors vous avez cette autre définition possible de la formation des concepts en philosophie, encore une fois, mode de vie, mobilité, relative mobilité, non pas immobilité conceptuelle, manifestation à l'intérieur d'un milieu, et ce milieu peut être un milieu naturel, mais ça peut être aussi un milieu historique, et prolifération. Alors, tout ça pour dire quoi ? En réalité, le déplacement que Foucault opère en marge de ce passage de la subjectivité à la subjectivation, c'est un passage plus vaste dans les années de la première moitié des années 70 à la deuxième moitié des années 70, des discours aux pratiques. On a énormément insisté, c'est d'ailleurs comme ça qu'on le connaît le plus, sur le Foucault analysant les discours. J'imagine que vous avez tous au moins regardé Les mots et les choses, c'est en général le texte qu'on lit, mais l'archéologie du savoir, sinon, Et c'est vrai que l'analyse foucauldienne, entendue comme analyse discursive, est moins en France, mais ailleurs, je pense par exemple aux États-Unis, et dans des courants de travail ou des courants de pensée, d'ailleurs pas strictement philosophiques, qui s'inspirent, qui peuvent s'inspirer ou qui ont pu s'inspirer de Foucault, le discursif a été le registre central. Je vous en cite deux, extra-philosophiques, en tout cas en partie extra-philosophiques. Le premier, c'est les analyses postcoloniales, qui ont travaillé à partir de Foucault, essentiellement à partir de l'analyse discursive foucauldienne. Et je pense, même si c'est une histoire un peu compliquée, aux analyses d'Edouard Saïd. C'est un peu compliqué parce que Saïd et Foucault se brouillent et que Saïd cesse de citer Foucault à partir de 78. Mais c'est vrai que toute la première partie du travail de Saïd se fait autour des analyses discursives de Foucault, et qu'on retrouve ça chez Spivak, qu'on retrouve ça chez d'autres. Deuxième exemple de centralité encore aujourd'hui du statut du discursif, de l'analyse du discours foucauldienne dans d'autres traditions et d'autres types d'enquêtes, je pense aux analyses de genre. Il n'y a pas de théorie du genre, mais il y a du travail autour du genre et autour du post-genre. Et s'il faut en citer une, il y en aurait beaucoup, mais s'il faut en citer une, je pense bien entendu à Judith Butler, et à toute la manière dont elle a réinvesti Foucault en le croisant avec sa propre analyse d'Austin et du performatif, et on est toujours dans le registre du discours. Alors en réalité, c'est à la fois passionnant et en même temps, ça pose des problèmes. Et ça pose des problèmes parce que, dans le cas de Butler, par exemple, lorsqu'on pense à ce que c'est qu'un performatif, dans la définition austinienne de ce que c'est que le performatif, l'acte de langage vaut comme acte tout court. Donc, exactement, la profération linguistique vaut comme acte. Parler, c'est faire. Mais malgré tout, la centralité est posée sur la profération performative d'un certain nombre de formules. Je te baptise, je jure, que je dirai la vérité, etc. etc. Chez Foucault, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'au lieu de qualifier le discursif comme un acte, de faire valoir sa dimension actuelle, effective, chez Foucault, l'idée a été de littéralement noyer les discours, les énoncés, les proférations, les prises de parole, quelles qu'elles soient, dans une cartographie plus large qui était une cartographie des pratiques en général. Donc de dire, il n'y a pas de primauté ou de privilège du discursif par rapport à d'autres pratiques, y compris des pratiques muettes ou des pratiques qui passeraient par d'autres modalités expressives, non discursives, gestuelles, corporelles, politiques, sociales, mais non discursives. Il n'y a pas donc de privilège ni de primauté du discursif. Il y a à réinsérer ou à réintégrer le discursif dans quelque chose qui serait une cartographie des pratiques. Or, les pratiques, c'est toujours de l'action, du contexte, des relations, des rapports de pouvoir. Ce qui veut dire deux choses. La première, c'est que il n'y a pas d'évacuation ou de disparition du discours chez Foucault. Il y a toujours du discours chez Foucault. Quel qu'il soit, que ce soit du discours scientifique, ou de la prise de parole individuelle ou collective, ou de la prise de parole politique, ou des discours sur les autres, ou du discours que l'on s'attribue à soi-même, ou du retravail de soi par le discours, peu importe, il y a toujours du discours. Mais ce discours est un visage possible d'une infinité de pratiques qui peuvent être, encore une fois, extra-discursives, qui peuvent être extra-linguistiques, et qui peuvent très bien faire l'économie du langage. Alors, ça a l'air évident comme ça. En réalité, la question de l'économie du langage est une question que Foucault va commencer à se poser dès le milieu des années 70 et qu'il va suivre comme un fil jusqu'au dernier cours dont je vais vous parler dans un instant, et en particulier les analyses qu'il consacre au cynique, puisque dans l'économie du dernier cours, le cours de 84, le courage de la vérité, le passage... alors, je ne sais pas si vous avez lu les textes ou pas, mais je vais vous les raconter si vous ne les avez pas lus. Le passage de la parésia socratique à la parésia cynique, elle est précisément articulée sur la possibilité de suspendre ou de faire l'économie du logos. On est dans ce fil-là. Alors, parler de pratique. Parler de pratique, c'est parler de la manière pratique, concrète, dont le sujet est littéralement non pas seulement dit, mais construit, produit. La manière dont les processus de subjectivation, mouvants, multiples, pluriels, etc., etc., historiques, se donnent, et ces processus de subjectivation, ils ont immédiatement un double visage. Alors, Foucault, dans un texte qui est un texte fondamental de 82, qui s'appelle « Le sujet et le pouvoir », dans les 10 écrits, en repère trois grands sous-ensembles, si vous voulez. Les deux premiers sous-ensembles définissent la manière dont on construit de manière externe les figures du sujet à travers des processus de subjectivation qui le produisent, qu'il soit d'accord ou pas, comme sujet. Et Foucault caractérise ces deux manières, l'une comme ce type de pratique qui construit le sujet par des discours de savoir ou se prétendant des discours de savoir. Exemple type, l'histoire de la folie. Quand émerge un registre de savoir qui va avoir lui-même une histoire, qui va se fixer peu à peu, depuis la fin du XVIIe siècle, seconde moitié du XVIIe siècle, en passant par les annalistes et en arrivant jusqu'à la psychiatrie moderne, puis la psychanalyse, ces discours qui ont prétention à savoir et qui disent ou qui attribuent au sujet des identifications de ce qu'il est. Première catégorisation. Donc on a en réalité la manière des processus de subjectivation qui consistent à poser le sujet comme un objet de savoir qui ne lui appartient pas. Savoir sur l'autre, c'est-à-dire objectivation et réification de l'autre à travers le savoir. C'est un processus de subjectivation. À la lettre, ça construit du sujet. C'est un mode de subjectivation, mais qui n'appartient pas au sujet lui-même. Deuxième modalité de mode de subjectivation, toujours hétérogène par rapport au sujet lui-même, non plus les discours qui prétendent être des savoirs, mais des pratiques, alors là pour le coup on est dans des pratiques, qui sont des pratiques que Foucault appelle des pratiques divisantes et qui consistent à séparer tel de tel autre. Le normal du sujet pathologique, le sujet socialement sain du sujet déviant, pour n'en citer que deux, etc., etc. Alors, il est évident que toute la première partie du travail de Foucault a travaillé sur ces deux grands axes, ces deux grandes modalités de subjectivation, qui étaient en réalité des modalités d'objectivation de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le sujet, et qui excluait le sujet de sa propre subjectivation. Ou alors, quand il était demandé au sujet de contribuer à sa propre production, entre guillemets, c'était toujours à l'intérieur d'un cadre qui lui était imposé, qu'on lui demandait en général d'intérioriser, donc il avait l'impression d'y participer, mais qui était fixé indépendamment de lui et dans lequel il était censé s'inscrire. Un exemple de cela, c'est la manière dont, par exemple, à la fin du XIXe siècle, à partir de la fin du XIXe siècle, seconde moitié du XIXe siècle, dans une récupération très étonnante des processus des pratiques de confession que Foucault a par ailleurs étudiées, il est demandé au sujet en cure chez un aliéniste de se raconter lui-même. Alors, je vous dis, dans une reprise très étonnante de la manière dont la confession est pratiquée, en réalité, dans le travail de Foucault, il commence par s'intéresser à la manière dont les aliénistes obtiennent des patients, puisqu'on les appelle déjà des patients à l'époque, ou des sujets déviants, des récits, ou des autorécits, ou des autonarrations, et puis il s'aperçoit qu'en réalité, c'est une modalité de confession, c'est une reprise de la confession un peu tordue, et il se met à travailler sur la confession, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Et sur ce point-là, si jamais ça vous intéresse, parce que c'est une manière de se construire en étant construit, paradoxalement, je voulais mentionner un livre j'ai oublié de regarder la date, mais je crois que c'est 2002, qui est un livre absolument magnifique, qui a été publié par Philippe Artière, qui a longtemps été le président du Centre Foucault, qui est un historien, et qui a travaillé sur un fonds d'aliénistes qui est le fonds La Cassagne. La Cassagne est un très grand historien aliéniste lyonnais. Il y a un fonds très riche. Et dans le fonds La Cassagne, on trouve toute une série de mémoires d'autonarrations produits par des sujets qui racontent leur vie à des fins thérapeutiques. Donc on a du récit de soi, si vous voulez, de la pratique de soi et du récit de soi, qui est absolument aux antipodes de ce que Foucault essaiera plus tard, pas si tard que ça, quelques années plus tard, d'identifier dans les pratiques de soi, par exemple stoïciennes, comme autonarration ou écriture de soi, puisque, encore une fois, là, c'est entièrement construit par l'aliéniste qui oriente le récit et qui en fait un instrument de la cure. Alors ça, c'est les deux premiers types de subjectivation, puis il y en a un troisième. Et le troisième, Foucault, en 82, l'évoque très rapidement. Il dit, c'est ce sur quoi je travaille actuellement, et c'est la manière dont le sujet se produit lui-même. Et c'est, en tout cas, j'imagine, ce qui vous intéresse dans le cadre du séminaire. Alors, première remarque sur cette chose. Quand je dis c'est probablement la chose qui vous intéresse plus que les deux premières, en réalité, pour Foucault, les trois sont toujours inséparables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous produire comme sujet autonome dans un rapport de soi à soi, de vous à vous, dans une pratique de soi. Il n'existe pas de pratique de soi qui soit purement subjective, ou plus exactement, les pratiques de soi, le rapport à soi est toujours traversé par des pratiques divisantes et par des discours de savoir, parce que nous sommes toujours traversés par des rapports de pouvoir, parce que nous vivons toujours dans l'histoire, en contexte et en relation avec les autres. Donc, s'il faut parler de modes de subjectivation, ils sont toujours, ces modes de subjectivation, à la fois, et c'est cet à la fois qui est compliqué, autonomes et hétérodirigés, sans aucune contradiction. On est dans un réseau qui est à la fois un réseau de détermination sociale, politique, épistémique, historique, culturelle, etc., géographique, bien entendu, puisqu'on parle, y compris dans le rapport à l'ethnographie, hein, à l'ethnologie, et qui peut inclure des pratiques qui sont des pratiques, non pas de libération par rapport à ces rapports, de détermination, parce qu'on s'en libère jamais, il faudrait sortir de l'histoire, il faudrait sortir de tout contexte, et ça n'est pas possible, mais des pratiques qui sont des pratiques de liberté. Et tout l'enjeu pour Foucault va devenir de décrire la manière dont, de l'intérieur même du maillage de l'histoire, ou du maillage social, ou encore une fois du maillage épistémique, bref, de l'intérieur de ce qu'il va appeler des systèmes de pensée, l'histoire des systèmes de pensée, et il faudrait dire aussi une géographie des systèmes de pensée, de l'intérieur de ces déterminations-là, qui sont multiples et qui nous font être ce que nous sommes, il y a aussi, malgré tout, de la place pour des pratiques libres de soi. Et encore une fois, l'une et l'autre chose, non seulement ne sont pas contradictoires, mais sont indissociables. Et c'est probablement ça qui est si difficile à comprendre, si difficile, c'est à la fois très simple et très, très compliqué, parce que c'est une structure qui est une structure, littéralement, de chiasme. C'est-à-dire que c'est l'une et l'autre chose à la fois. Alors, moi, j'utilise le mot... sans vouloir faire dans le détail, mais je pense que chiasme est un mot utile ici, parce que, alors c'est un mot que j'emprunte à Merleau-Ponty, qui l'utilise pour qualifier la manière dont un sujet perceptif, et on est dans le registre de l'expérience, hein, perception et pas du discours, et en soi c'est intéressant, la manière dont un sujet perceptif est à la fois toujours percevant et perçu. Voyant et vu, touchant et touché, etc., etc. Et Merleau-Ponty dit, et il le dit très tôt, dès la phénoménologie de la perception, il n'arrêtera pas d'y revenir en permanence après. En réalité, quand vous faites l'expérience toute bête de saisir votre main gauche par votre main droite, vous êtes à la fois dans ce contact gauche-droite, le touchant et le touché. Jusque-là, c'est banal. Là où ça devient intéressant, c'est que si vous y pensez, si vous essayez de vous concentrer sur l'impression physique, soit vous sentez votre main droite qui saisit votre main gauche, soit vous sentez votre main gauche saisie par votre main droite. Mais vous n'arrivez pas à saisir à la fois la main saisissante et la main saisie. Et pourtant, l'une et l'autre se donnent simultanément, toujours et indissociablement. Et c'est ça le chiasme. Quelque chose qui est à la fois indissociable et impossible à saisir dans sa simultanéité. Ce qui est très étonnant. Alors Foucault vous dit un peu la même chose pour ce que c'est qu'être un sujet, entendu, bien entendu, cette fois-ci pas comme un sujet cartésien, mais comme le produit provisoire, toujours provisoire, et en contexte et dans l'histoire, d'un processus de subjectivation, c'est-à-dire de construction en tant que résultat sujet, momentané. Foucault dit on est toujours à la fois construit et se construisant. Sauf que vous vous percevez toujours comme étant construit ou vous construisant, c'est-à-dire comme totalement libre ou comme totalement déterminé, alors que nous sommes à la fois libres et déterminés. C'est pour ça que moi je me dis que finalement, alors c'est une proposition que j'ai faite, que je vous fais à vous aussi, elle vaut ce qu'elle vaut, mais que finalement ça colle bien avec l'idée merleau-pontienne de Kias, mais ça colle bien aussi avec un certain nombre d'analyses qui me semblent intéressantes à rappeler ici, parce que précisément c'est un travail autour de l'anthropologie philosophique, et qui est le travail qu'a fait Étienne Balibar ces dernières, quelqu'un avec qui je travaille beaucoup depuis 4-5 ans, et dans un texte que vous avez peut-être vu, qui est un texte de publié au PUF en 2012, qui s'appelle Citoyens, sujets et autres essais d'anthropologie philosophique, et qui recueille toute une série d'interventions, de conférences et d'articles, en particulier des articles faits aux États-Unis, qui sont assez passionnants. Et il y a un travail de Balibar sur la manière dont sujet a en réalité étymologiquement toujours été deux choses, qu'on a toujours opposées alors qu'elles sont indissociables, et qu'en même temps on arrive à saisir que l'une ou l'autre face, si vous voulez, de cette structure en forme de Janus biface. Sujet, étymologiquement, c'est subjectum, et c'est subjectus. Subjectus, c'est celui qui est sub, donc c'est celui qui est soumis, c'est le sujet du roi, par exemple. Donc c'est celui qui est dans un rapport de hiérarchisation par rapport à celui qui le définit et qui n'a pas d'autonomie. Mais il y a aussi subjectum, et subjectum, c'est étymologiquement le sujet grammatical, c'est-à-dire le sujet d'action. Or, on est précisément toujours subjectus et subjectum, même si l'on se perçoit comme l'un ou l'autre. Du coup, chez Foucault, et on est à l'orée des années 80, et je vais arriver, ça va si je parle 5 minutes, ça fait pas trop. Très bien. Du coup, il y a trois possibilités. Il y a trois voies, si vous voulez, qui s'ouvrent à Foucault et qu'il va les deux premières, il va les balayer, il va choisir la troisième, et ça va nous amener à ce à quoi je veux arriver dans les cours. La première, c'est que si on dit qu'on est toujours indissociablement produit par des modes de subjectivation qui sont en réalité des modes d'objectivation de ce que nous sommes comme sujet, nous sommes appelés, définis, déterminés, repérer, identifier, circonscrire, etc., etc. Donc, si l'on constate cela, alors la seule manière de se libérer de cette prise, de cette morsure des rapports de pouvoir, consiste, très logiquement, à essayer de se désubjectiver. Puisque ma subjectivation est au moins en partie, en très large mesure, produite par des processus qui me sont totalement hétérogènes, que je ne contrôle pas et qui en réalité sont traduisent très souvent des rapports de pouvoir. Donc là où on me dit ce que je suis, par exemple, femme, blanche, professeure, universitaire, européenne, etc., etc., une solution pourrait être, pour me libérer et pour réouvrir l'espace de rapport à moi-même autonome, de détruire, d'évacuer, ou en tout cas de suspendre tous ces prédicats que l'on m'attribue et qui font que je suis celle que je suis. Se désubjectiver, suspendre les prédicats du sujet, et donc essayer de balayer ou de réouvrir comme horizon quelque chose qui serait de l'ordre de du désassujettissement sous la forme de l'impersonnel ou du neutre ou de la troisième personne, non plus je mais il ou elle. Alors, si je le signale, c'est que la tentation du neutre ou de la désubjectivation comme instrument de désassujettissement chez Foucault, en réalité, elle est nulle. Il repère la chose, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Alors que dans les lectures contemporaines de Foucault, et en particulier les lectures récentes, alors en Italie et ailleurs, mais en particulier en Italie, il faut bien dire, et je pense en particulier à la lecture de Giorgio Agamben, cette espèce de manière de concevoir le désassujettissement par rapport au mode de subjectivation qui vous objective comme sujet, a été conçue comme une désubjectivation. Se déprendre de soi, c'est pas se déprendre des rapports de pouvoir ou des modalités qui vous constituent comme sujet, c'est se déprendre de ce que vous êtes tout court. Alors, il y en a un autre, mais il est moins connu en France, il est traduit, hein, moins qu'Agamben, mais il est traduit, et qui a fait exactement la même chose, avec les mêmes recours, impersonnels, neutres, désubjectivation, valant comme désassujettissement, et c'est Roberto Esposito. Et l'un et l'autre ont eu cette lecture, là. Quand je dis que chez Foucault, ça y est pas du tout, c'est que ça serait un petit peu comme jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'en réalité, une fois que vous êtes désassujetti sous la forme de la désubjectivation, qu'est-ce qui reste comme espace de travail de soi sur soi? Et qu'est-ce qui reste comme espace, puisque c'est en réalité ce qui intéressait Foucault, pour une pratique de soi, ou une pratique de soi avec les autres, puisqu'on est toujours en contexte dans l'histoire et en relation, donc le rapport à soi et le rapport aux autres est toujours... sont toujours deux choses liées. Qu'est-ce qui reste pour l'espace de la vie partagée? Alors le tour de passe-passe chez Agamben consiste à dire il y a deux formes de vie, il y a le bios et la zoé, zoé et vie animale, bios, vie sociale et politique, toujours déjà qualifiée comme sociale et politique. Il y a deux mots en grec pour dire la vie. Hein. Alors, le tour de passe-passe de Agamben consiste à dire, dans l'espace du bios, vie sociale et politique, une fois qu'on s'est désassujetti sous la forme de la désubjectivation, il va pouvoir y avoir de la recréation de résistance, mais à partir de quelque chose que, paradoxalement, Agamben qualifie comme de la vie nue et qui ressemble fort à de la vie non sociale et non politique, c'est-à-dire de la vie animale. Et chez Foucault, ça, c'est pas possible. Parce qu'on n'est jamais autrement que dans du social, du politique et de l'historique. Quand je dis social et politique, pour lui c'est la même chose, c'est l'espace de la police, c'est-à-dire de la vie partagée. Et l'historique, c'est qu'on est toujours dans l'histoire et que rien n'est extérieur à l'histoire. Et en ça, il a retenu la leçon des sciences humaines et sociales, et en particulier la leçon des historiens. Donc chez Foucault, c'est très, très peu présent. Je vous le signale parce qu'en réalité, dans les commentaires, encore une fois, c'est assez fortement présent. Deuxième possibilité qui consisterait à dire, bon, on est à la fois construit, donc il y a des modes de subjectivation objectivants, et puis il y a des modes de subjectivation subjectivants et autonomes, et on est l'une et l'autre chose à la fois, je vous parlais tout à l'heure du chiasme, mais donc on est dans un perpétuel renvoi de l'un à l'autre, on est dans une sorte de dialectique infinie entre l'assujettissement et la subjectivation, la subjectivation libre, si vous voulez, et en réalité, tout l'espace, si vous voulez, de la subjectivation et ce balancement permanent d'un pôle à l'autre. Cette incitation réciproque. Alors, cette incitation réciproque, c'est une expression de Foucault. Dans le sujet Le Pouvoir, il parle de structure d'agonisme de l'un à l'autre, de renvoi continu et d'incitation. Et c'est quelque chose qui l'a probablement fasciné et qui l'a envisagé, mais qui pose un problème. Et ce problème, c'est que du coup, on est entièrement défini par quelque chose qui serait de l'ordre du renvoi dialectique. Et chez Foucault, il y a, alors ce serait un autre sujet, mais je le signale ici, une tentative permanente de sortir, mais il le dit lui-même, depuis le début des années 60, de toute structure dialectique. Il faut briser la dialectique. Il faut casser la dialectique. Alors la question, elle devient comment, tout en affirmant le chiasme entre mode de subjectivation objectivant et mode de subjectivation subjectivant, c'est-à-dire leur indissociabilité, comment dégonder, déphaser les deux faces de la subjectivation. Comment faire en sorte que ces deux faces, qui se donnent toujours simultanément, ensemble et de manière indissociable, ne soient pourtant pas équivalentes. Après tout, deux choses peuvent tout à fait être indissociables et simultanées et ne pas être équivalentes. Quelle est la différence que l'on peut construire, repérer, entre les modes de subjectivation qui vous construisent comme des objets pour la pensée, pour le discours, pour le savoir, pour les pratiques, et les modes de subjectivation qui font que vous vous construisez vous-même, sachant que l'un et l'autre vont encore une fois toujours ensemble. Quel élément de dissymétrie on peut introduire? Alors c'est là, probablement, que la référence aux pratiques, pratiques de soi, au travail, travail de soi, à l'élaboration, élaboration de soi, à la production, production de soi, à l'invention, invention de soi, émerge chez Foucault, et c'est, en tout cas c'est l'impression que moi j'en ai, il y a des lectures qui sont un peu différentes, la manière dont Foucault tente, non pas le décrochage et l'autonomisation du pôle subjectivation libre par rapport aux autres modes de subjectivation objectivants, mais l'introduction d'une dissymétrie. On n'est jamais totalement libre de se subjectiver soi-même, mais on peut être autre chose que ce que nous font être les rapports de pouvoir qui nous produisent comme des sujets. Cette dissymétrie, en quoi elle consiste? Avant de vous dire en quoi elle consiste, je voudrais vous dire par quoi elle est permise. Quels sont les éléments pratiques qui font qu'une pratique de soi peut ne pas être réductible, peut être démesurée par rapport à des modes de subjectivation qui vous objectivent. Donc, première caractéristique, il y en a au moins trois. Enfin, moi, j'en vois trois, mais il y en a probablement d'autres. La première caractéristique de ces modes de subjectivation dissymétriques, c'est que ce sont des modes qui vous soustraient à l'unification. Parce que l'unification, c'est en réalité la condition de possibilité de l'objectivation. On ne peut pas construire des objets de savoir, des objets de pratique, si on n'a pas affaire à des choses qui sont circonscrites, séparées, distinctes, nommées, qualifiées. Pensez à Descartes. Il faut qu'une chose soit claire et distincte. Pour ne pas être, ou ne pas être seulement, parce qu'on est toujours un peu un objet de pratique et ou de savoir, un sujet qui soit un objet de pratique et de savoir, pour ne pas être un sujet simplement dans la mesure où on est aussi un objet de pratique et de savoir, il faut réussir à se soustraire à l'unification et donc à la possibilité d'objectivation. Chez Foucault, le problème émerge dès le début des années 70, juste en réalité juste après 68, dans l'analyse qu'il fait de la manière dont des sujets émergents et prenant la parole ont non seulement pris la parole, mais mis en place des dispositifs de soustraction à l'objectivation et de soustraction à l'unification. Exemple, le sujet 68. Quel est le sujet de 1968? C'est encore vrai aujourd'hui, si on vous dit, si on pose la question, vous allez avoir des gens qui vont vous dire le sujet 68, c'est typiquement un sujet étudiant, on est à Nanterre. Puis il y a des gens qui vont vous dire, mais oui, mais il y avait aussi des grèves dans les usines, et le mouvement de grève dans les usines a été extrêmement puissant, et pas seulement des usines, des prises d'otages dans les usines, et des sabotages dans les usines. Je vous dis ça parce que les prises d'otages a été, enfin, la modalité de la prise d'otages dans les usines a été, prise d'otages, il n'y a pas eu de mort, hein, mais les prises d'otages des patrons, on l'enfermait dans leur bureau pendant un temps assez long en général, a été une modalité extrêmement fréquente, et qu'on a totalement oubliée, et qui a duré longtemps. Il y a un film de Godard Vous avez jamais vu ça? Tout va bien. Il y a un film 72 qui raconte la manière dont un patron d'usine de fabrication de saucisses est pris en otage par deux ouvriers improbables qui sont, si mes souvenirs sont bons, Jane Fonda et... J'ai oublié, bon, c'est délirant, mais c'est exactement ça. Donc il y a eu un mai 68 étudiants, un mai 68 ouvriers, il y a eu un mai 68 immigrés, très fort. Après tout, on n'est jamais que 6 ans après les accords d'Évian et la fin de la guerre d'Algérie. Et en réalité, si on veut essayer de rendre compte d'un sujet qui soit un sujet unifié, de cet événement-là qu'on appelle 68, mais ça vaudrait pour d'autres événements, on pourrait le poser pour aujourd'hui, on n'y arrive pas. Ou alors il faut faire un forçage pour produire un objet, qui serait ce sujet-là, et on en a les échos aujourd'hui dans un certain discours sur l'hédonisme du sujet post-68, sur les tentatives de qualifier de manière homogène, uniforme et circonscrite, quelque chose qui en réalité s'est donné comme une mouvance, une multiplicité, une complexité, et quelque chose qui était inédit. Et sur ce point-là, c'est-à-dire sur cette caractéristique non objectivable, volontairement non objectivable, dans la mesure où les sujets eux-mêmes dressaient des barrières pour empêcher leur possible objectivation par des discours et par des pratiques d'autres qu'eux, je vous renvoie aux analyses de Michel de Certeau faites dès septembre 68, donc 2 mois après... deux mois après la fin 68, qui se termine très rapidement avec les accords de Grenelle, donc fin mai, début juin. Enfin, il y a encore un petit peu d'usine occupée en septembre, mais il n'y a quasiment plus rien. Le livre de Certeau qui s'appelle « La prise de parole », qui est sur les modalités de prise de parole et sur la manière dont la prise de parole est à la fois puissante et puissante parce que impossible à réduire à quelque chose qui serait de l'ordre de l'objectivation ou de la circonscription. C'est-à-dire de la définition. Vous en avez une deuxième trace de ce travail sur la stratégie de soustraction au principe d'unification considéré comme condition de possibilité de l'objectivation des sujets dans le travail que Foucault plus tard en 77, 78, 79 mais en réalité déjà dans Surveiller et punir. Enfin, plus tard, quand j'ai 77, 78, 79, c'est dans les cours au Collège de France, Sécurité, territoire, population et naissance de la biopolitique, le travail que Foucault fait sur la notion de population. Qu'est-ce que c'est qu'une population? C'est une manière de réunir dans un ensemble homogène des individus différents en mettant en avant un ou plusieurs traits présentés comme, j'insiste, présentés comme, et non pas étant naturel. Donc on peut produire des populations de type classe laborieuse, classe dangereuse. Ou on peut produire des populations de type déviants sociaux. Ou on peut produire des populations de type femme hystérique, etc., etc. Et bien entendu, du point de vue des sciences sociales, ce qui est très intéressant, et ce qui intéresse bien entendu Foucault, c'est la manière dont cette production de population qui va, pour Foucault, permettre des productions de savoir, mais aussi des pratiques de gouvernement, va aussi nourrir tout l'édifice des sciences sociales, et la sociologie en particulier, et cette branche spécifique de la sociologie qui est en train d'émerger à l'époque, et qui est la sociologie statistique, puisque la sociologie statistique fonctionne sur des principes d'homogénéisation, d'unification, d'objectivation, de macro-ensemble de vivants, c'est-à-dire d'hommes et de femmes. On est en plein dans ces mécanismes de subjectivation, de production de sujets sous couvert d'objectivation. Donc, se soustraire à cette unification, ça veut dire ne pas se reconnaître dans une définition. Et les définitions, elles ont en réalité, si vous y pensez, deux matrices. Ces principes d'unification objectivant ont deux matrices, distinctes mais très nettement reconnaissables. Première matrice, c'est une matrice de type naturalisant. vous appartenez à tel, vous êtes telle chose. Vous voyez bien que vous êtes une chose. Vous êtes telle chose, tel objet de connaissance ou de pratique. Et vous appartenez à telle population parce que vous possédez un ou plusieurs traits naturels que nous avons distingués et auxquels nous vous rattachons. Pardon. Première matrice. Deuxième matrice, c'est la matrice du droit. Parce que être un sujet de droit, c'est, si vous y pensez, se reconnaître à l'intérieur d'une grille de définition qui nous accorde ou nous nie un droit à partir de l'identification de notre coïncidence avec une certaine catégorie de sujets. Et l'activité de la jurisprudence consiste tout à fait précisément à poser le problème de l'identification d'une singularité, un cas, par rapport à quelque chose qui serait une catégorie d'ensemble et dans laquelle la singularité en question serait capable d'être susceptible d'être inclus en tant que sujet de droit ou comme objet d'intervention de droit. Et si la catégorie qui vous correspond n'existe pas, l'activité du droit va être précisément de produire la catégorie qui correspondra à votre cas non encore existant. Dans les deux matrice naturalisante, on vous raccroche à une catégorie naturalisée ou dans la catégorie jurisprudentielle, c'est la matrice du droit, vous êtes réduit ou vous êtes rapporté à quelque chose qui vous contient et qui rend raison de vous. Voilà, rend raison de vous, c'est les discours de savoir, contient, c'est les pratiques divisantes. On retrouve les deux modes d'objectivation dont je vous parlais tout à l'heure. Et là encore, votre séminaire est davantage sur philo et anthropologie, mais il serait intéressant de se poser la question du fonctionnement de la sociologie. Parce que si vous pensez par exemple à l'idée, à la notion d'idéal type chez Weber, la notion d'idéal type, dont Weber lui-même dit que c'est une fiction épistémologique pour permettre de rendre compte du réel, c'est quoi ? C'est une manière de rassembler, de réduire et de rendre saisissable et compréhensible la diversité du réel. C'est-à-dire d'unifier la diversité du réel sous des grandes catégories. Et du coup, alors je passe très rapidement, mais pour Foucault, tout le travail va être, et ça va être aussi sa propre expérience en tant qu'homosexuel en pleine découverte des mouvements gays en Californie dans les années 70, de se soustraire à l'identification, y compris se soustraire à l'identification comme homosexuel. Donc il y a par exemple un texte très intéressant qui est un texte de 80 que vous trouvez dans les 10 écrits à la page 662, où Foucault dit, je ne vais pas vous lire la citation qui est longue, mais il est important tactiquement de dire, guillemets, je suis homosexuel, mais selon moi, il ne faut pas, à plus long terme, et dans le cadre d'une stratégie plus large, tactique, stratégie, dans le cadre d'une stratégie plus large, poser la question de l'identité sexuelle. Il ne s'agit pas, dans le cas concret, de confirmer sa propre identité sexuelle, mais de refuser l'injonction d'identification à la sexualité, aux différentes formes de sexualité. Fin de citation. Donc, refuser l'injonction à l'identification. Donc, refuser l'unification dans un macro-ensemble, refuser l'identification, qu'est-ce qui reste ? Ben, il reste les modes de vie. Si je refuse la co-appartenance à un ensemble qui rendrait raison de moi, et si je refuse la fixation de ce que je suis sur une identité, il ne reste pas rien, comme dans le cas de la suppression des prédicats du sujet, il reste l'espace absolument dégagé et praticable des modes de vie. Et dans le même texte dédié et écrit que je viens de vous citer, celui sur le refus de l'injonction sexuelle, émerge à ce moment-là, dans l'actualité de Foucault, et pas seulement dans les cours au Collège de France, cette notion de mode de vie, je cite, « Cette notion de mode de vie me semble très importante, Un mode de vie peut être partagé entre des individus d'âge, de statut, d'activité sociale différents. Un mode de vie peut donner lieu à des relations intenses qui ne ressemblent à aucune autre parmi celles qui sont institutionnalisées. Et il me semble qu'un mode de vie peut donner lieu à une culture et à une éthique. Être gay, cela signifie, je crois, non pas tant s'identifier aux traits psychologiques et aux masques visibles de l'homosexuel, que tenter de définir et de développer des modes de vie. Voilà. C'est là que ça émerge. Le mode de vie n'est pas compréhensible en tant que tel si vous ne comprenez pas que c'est une autre manière de produire ou de mettre en œuvre des processus de subjectivation par rapport à le pôle, par rapport au pôle de l'unification et au pôle de l'identification. C'est le revers de l'identification et de l'unification. Alors, je vais sauter sur ce point parce qu'il est terriblement tard et je ne suis toujours pas arrivée au cours. Donc, je vais quand même y arriver. Dans les cours, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en réalité, Foucault fait un détour parce qu'il a besoin de comprendre ce que la pratique de ces modes de vie implique concrètement. Et le détour se fait toujours, comme toujours chez Foucault, à la fois chronologiquement, par la remontée dans le temps, et ça va être dans le cours de 83, le gouvernement de soi et des autres, par leur montée au 5e siècle, et essentiellement la remontée au corpus platonicien, pas seulement, mais essentiellement, et puis dans le cours de 84, une remontée mineure, donc on repart vers l'avant, sur le corpus stoïcien, puis sur le corpus cynique, et à la fin du cours de 84, Foucault, dans un passage que vous avez peut-être déjà lu, à partir des cyniques, trace toute une généalogie post-cynique et retourne vers nous. Donc, c'est une boucle, si vous voulez, historique. Donc, il fait cette espèce de détour qu'il revendique comme détour. Hein. Il dit c'est un excursus, etc. Donc, il se déplace. Et qui est un détour qui cherche à comprendre où sont les difficultés. Quel est le risque? Est-ce que ça change dans la pratique à la fois du rapport à soi et dans la pratique de la philosophie? Alors encore une fois, tout à l'heure je commençais en disant l'idée de pratique est une chose assez banale pour des non-philosophes, plus banale pour des non-philosophes que pour des philosophes. Pour Foucault, l'idée de réinsérer au cœur de sa propre pensée l'idée de la pratique, mode, de manière de faire, c'est un mode, est une chose dont il veut mesurer la consistance spécifique. Alors, dans le cours de 83, très rapidement, je vous avais amené les passages, mais je ne vais pas avoir le temps de les lire, je vous mentionne simplement les pages. Je vous ai choisi 3 pages à chaque fois, séparées, pour que vous puissiez aller les regarder. Il y a un premier moment qui est un moment fondamental, qui est dans la leçon du 9 février 83, à la toute fin. Page 202 dans l'édition du cours et où Foucault dit la philosophie c'est pas seulement l'apprentissage de la connaissance, la philosophie ne consiste pas simplement à apprendre. Alors pour nous modernes ou contemporains c'est moins compliqué, mais travaillant dans un corpus qui est un corpus grec, essentiellement grec et platonicien, singulièrement, c'est compliqué parce que la première chose qu'on apprend quand on apprend à lire des dialogues de Platon et quand on travaille sur Socrate, c'est Gnotis et Auton, connais-toi toi-même. Et Foucault dit c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, à côté du Gnotis et Auton, connais-toi toi-même, la maxime inscrite au fronton du temple de Delphes, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pratique de soi et pas nécessairement de la connaissance. Et c'est ce qui va décrire, sous la forme d'un terme grec, qui est le terme d'askésis, l'ascèse. Askésis signifiant, avant même le sens qu'on va lui donner, c'est-à-dire la suppression du surplus de la vie, la pratique qui consiste à supprimer le surplus non essentiel de mon existence, simplement une matérialité. Un geste. Foucault dit mettre la main. Faire de la philosophie, c'est mettre la main. C'est plonger les mains dans la pâte. Et pour rendre compte de ce mettre la main, il utilise un autre mot grec, conjugué à askésis, lui donne quelque chose de beaucoup moins ascétique au sens chrétien et postérieur que ce qu'on imagine. L'ascèse, telle qu'on l'imagine, elle est toujours chrétienne. Là, c'est l'ascèse grecque, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est le mot ergon. Ergon, c'est quoi ? Ergon, c'est faire, agir. Mettre les mains dans le cambouis. Ne pas être dans la cité idéale, dans le désir de la vérité, dans la recherche de la justice, dans la volonté de correspondre à l'harmonie du cosmos. L'ergon, c'est ici et maintenant la prise en compte matérielle du contexte dans lequel je me trouve. Donc, première étape, page 202. Deuxième étape, page 223. Page très étonnante, une relecture de la caverne de Platon, la République 7. Et Foucault dit le problème de la caverne de Platon, c'est pas du tout la conversion du regard, il faut que je détourne mon regard du fond de la caverne et que je retourne mon regard vers le ciel des idées et vers le soleil éblouissant qui m'empêche de la remonter, la remonter, et puis que peu à peu mon œil s'habitue, que je remonte lentement la pente vers le vrai, etc., etc. Foucault dit, c'est pas du tout ça. La conversion n'est pas une conversion du regard. La conversion est un choix d'attitude et de mode de vie. L'activité philosophique, c'est des pragmata philosophiques, c'est-à-dire des manières de faire philosophiques. Et Foucault dit, je cite, « C'est tout un travail long et pénible qu'il faut assurer. » Ou encore, « C'est un choix qui doit être fait dès le départ, un choix qui doit être fait une fois pour toutes et qui doit ensuite se développer, se dérouler et presque se monnayer dans le travail assidu de la vie quotidienne. » Conversion ici qui se définit par un choix initial, un cheminement, une application, conversion non du regard, mais de la décision, qui ne tend pas à la contemplation, mais qui, sous la direction d'un guide, et au fil d'un cheminement qui sera long et pénible, doit permettre dans l'activité de tous les jours, à la fois l'apprentissage, la mémoire et les bons raisonnements. Donc on est dans un registre qui n'est pas celui de la connaissance, mais celui de l'activité quotidienne. Troisième étape, 223, 232, pardon. L'exercice de plus en plus périlleux. Foucault prend le texte de Platon le plus abstrait, un des plus difficiles, et le plus abstrait qui soit. On a tous commenté ça, on a préparé la grecque, et qui est la lettre 7, cauchemar total. Et en particulier, les formes de connaissance. Vous connaissez les cinq formes de connaissance décrites par Platon. Enfin, pour ceux d'entre vous qui viennent de la philosophie, décrite par Platon dans la lettre 7, et dont on a l'habitude de dire, et toute la lecture ou le commentaire platonicien a consisté à dire, en réalité on s'élève peu à peu, on part du nom, de la définition, etc., etc., et on s'élève vers l'essence même des choses, dans une sorte de raréfaction qui vise à saisir les choses, non pas dans ce qu'elles sont, comme je les vois, fond de la caverne, mais pour ce qu'elles sont en vérité, idée de la chose. Foucault reprend le texte de Platon et fait dire au texte de Platon exactement le contraire, c'est-à-dire que les quatre premières phases sont exactement celles qu'on décrit dans le corpus platonicien normalement, et le cinquième degré de connaissance, si vous voulez, le plus haut, celui de la saisie de l'essence de la chose, Foucault dit, c'est pas du tout l'essence de la chose. Le plus haut degré de la connaissance chez Platon, c'est, et il sort le mot, tribé. Et tribé, en grec, ça veut dire frottement. Quand vous frottez littéralement un morceau contre un autre. Connaître, en vertu du plus haut degré de connaissance pour Platon, dit Foucault, dans la lettre 7, c'est littéralement se coltiner le réel, se frotter aux choses matérielles et immanentes. C'est évacuer la transcendance. Alors ça ferait hurler les platoniciens, ils auraient raison. Mais en même temps, il y a cette volonté chez Foucault de tordre les textes qu'il lit à quelque chose qui l'intéresse lui et qui est long détour historico-philosophique par les Grecs pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un mode de subjectivation. Pensez toujours que le point auquel il veut en revenir, c'est nous. Comment se pratiquer soi-même ? Ben, il faut se coltiner soi-même, littéralement, dans la matérialité de ce que l'on est. Et puis, dernier élément de ce parcours, qui est une page absolument magnifique, qui conclut d'une certaine manière le cours de 83 et qui est 326, qui est la fin de la leçon du 9 mars, on est presque à la fin du cours de l'année. Et là, Foucault, ayant fait une année sur les Grecs, en réalité ça fait 2 ans qu'il travaille, ça fait depuis 81 qu'il travaille sur les Grecs, montre bien que ce qui l'intéresse, c'est au-delà des Grecs, nous. Son problème, c'est nous. C'est lui, c'est moi, c'est vous. Et il dit, en tout cas si cette perspective peut être retenue, vous comprenez bien pourquoi la philosophie moderne, tout comme la philosophie antique, et là on est revenu à nous, aurait en tout cas tort de vouloir dire ce qu'il faut faire dans l'ordre de la politique et comment il faut gouverner. Elle aurait tort de vouloir dire ce qu'il en est du vrai ou du faux dans l'ordre de la science. Elle aurait également bien tort de vouloir se donner pour mission la libération ou la désaliénation du sujet lui-même. On ne se désaliène pas du tout. On ne se libère pas du tout. La philosophie n'a pas à dire ce qu'il faut faire dans la politique. Elle a à être, pas à dire. C'est pas du discours. Elle a à être dans une extériorité permanente et rétive par rapport à la politique, et c'est en cela qu'elle est réelle. Elle n'a pas à partager le vrai et le faux dans le domaine de la science, elle a perpétuellement à exercer sa critique à l'égard de ce qui est leurre, tromperie et illusion. Et enfin, troisièmement, la philosophie n'a pas à désaliéner le sujet, elle a à définir les formes dans lesquelles le rapport à soi peut éventuellement se transformer. Et ces formes dans lesquelles le rapport à soi peut éventuellement se transformer, elles sont bien entendu des formes qui sont historiques. Il ne s'agit pas de prendre celle des Grecs, mais de diagnostiquer pour notre propre présent quel type de pratique, quels espaces, quelles expérimentations mettre en jeu pour se travailler soi-même sous la forme de l'invention. Mais encore une fois, l'invention, c'est pas la sortie désaliénée des rapports de pouvoir ou de l'histoire. Alors, comme il est dit, c'est que ça fait 1h02. Je vais tout couper, il me restait 6 pages, mais je vais couper, on peut discuter après du coup. Mais je voulais terminer par 2 citations. Alors, je vous ai pas parlé des signes, du coup, mais on y reviendra dans la discussion si vous voulez. Mais je voudrais terminer par 2 citations. Attends. 2 citations qui sont absolument magnifiques. Et elles sont, l'une est générale et l'autre est, vous allez voir, collective. Elles sont de 2 textes qui sont écrits à distance de 4 ans. La première citation, elle est tirée de cet entretien absolument incroyable que Foucault donne à un homme politique et un philosophe aussi italien qui s'appelle Lucio Trombadori en 78, le texte a été publié en 80. C'est dans les 10 écrits 4, page 74, entretien avec Lucio Trombadori, ça s'appelle. Et c'est un entretien qui fait 85 pages, très long, quasiment un texte de petit essai. Et voilà ce que dit Foucault. Nous tournons là autour d'une phrase de Marx. L'homme produit l'homme. Pour moi, ce qui doit être produit, ça n'est pas l'homme tel que l'aurait dessiné la nature, voyez bien, critique de la nature, parce que la nature réintroduit l'unification, l'identification, l'objectivation, etc., etc. Mmh. Je vous dis que vous êtes des femmes, des vieux, des jeunes, des roses, des bleus, des verts, des blancs, des jaunes, des, etc., etc. Donc, je reprends. Ce n'est pas l'homme tel que l'aurait dessiné la nature ou tel que son essence le prescrit. Nous avons à produire quelque chose qui n'existe pas encore et dont nous ne pouvons savoir ce qu'il sera. Quant au mot « produire », je ne suis pas d'accord avec ceux qui entendraient que cette production de l'homme par l'homme se fait comme la production de la valeur, la production de la richesse ou d'un objet d'usage économique. C'est tout aussi bien la destruction de ce que nous sommes et la création d'une chose totalement autre, d'une totale innovation. Fin de citation. Donc, vous n'êtes pas seulement des objets produits, y compris des objets valorisés d'un point de vue économique. Valorisation de l'homo economicus, théorie du capital humain, etc., etc. Vous êtes ça aussi. Mais vous n'êtes pas que ça. Parce que produire, ça ne veut pas dire seulement ça, ça veut dire aussi inventer. Détruire et inventer, dit Foucault. La destruction et l'invention. Et puis, deuxième citation, qui est plus tardive, puisqu'elle est dans un texte donné aux États-Unis en 84, donc l'année de la mort de Foucault, qui s'appelle « Polémique politique et problématisation ». C'est toujours le volume 4 dédié écrit, page 342. Et dans une discussion où Foucault fait référence au débat auquel il participe, puisqu'il était aux États-Unis depuis quelques années, et qui sont des débats spécifiquement américains de l'époque, et qui sont en particulier des débats avec les néo-pragmatistes américains, et en particulier avec Rorty, il fait référence à Rorty, et il va dire une chose très étonnante, où il va essayer de penser non pas seulement le rapport à soi, mais comme le dit le gouvernement de soi et des autres. Le courage de la vérité, sous-titre « Le gouvernement de soi et des autres ». Deux, seule occurrence où Foucault a répété un titre pour bien insister sur la chose. Il n'y a pas de rapport à soi sans rapport aux autres. Après tout, se travailler soi-même, c'est aussi se gouverner soi-même. Donc, pour insister sur le fait que le rapport à soi, la forme du rapport à soi, de la production de soi, de l'invention de soi, pose immédiatement toujours aussi la question du rapport aux autres et des sujets collectifs. On n'est pas dans une réflexion individualisée ou individualisante sur le soi. On est dans une réflexion qui porte en elle-même une réflexion sur le collectif et sur le politique. J'ouvre une parenthèse, c'est ce que Foucault dit déjà lorsqu'il analyse le corpus stoïcien, quand il dit les pratiques de soi, en particulier l'écriture de soi, mais pas seulement, pour les stoïciens, c'est toujours, je cite l'expression parce qu'elle est incroyable, c'est dans le souci de soi, le volume 3 de l'histoire de la sexualité, le rapport à soi, c'est toujours un intensificateur de relations sociales. Il n'y a pas de soi sans les autres. Donc on est toujours dans du rapport social. Hein. Donc Foucault, dans ce contexte-là, ayant travaillé sur les Grecs, dit, cette fois-ci répondant à Rorty, donc 1984 États-Unis, donc on est dans le contemporain, mais vous voyez comme ça passe d'un registre à un autre, je cite, Richard Rorty fait remarquer que dans les analyses que je mène, je ne fais appel à aucun « nous », entre guillemets, à aucun de ces « nous » dont le consensus, les valeurs, la traditionnalité forme le cadre d'une pensée et définissent les conditions dans lesquelles on peut la valider. Mais le problème, justement, est de savoir si, effectivement, c'est bien à l'intérieur d'un « nous » qu'il convient de se placer pour faire valoir les principes qu'on reconnaît et les valeurs qu'on accepte. Ou s'il ne faut pas, en élaborant la question, rendre possible la formation future d'un « nous ». C'est que le « nous » ne me semble pas devoir être préalable à la question, il ne peut être que le résultat, et le résultat nécessairement provisoire, de la question telle qu'elle se pose dans les termes nouveaux où on la formule. Fin de citation. Alors, c'est des lignes qui sont absolument incroyables, parce qu'il vous dit, de la même manière que soi n'est pas un objet, mais une production à la fois hétérogène et autonome, simultanément, le chiasme. Et si vous voulez introduire un élément de dissymétrie entre l'hétérogénéité et l'autoproduction de vous par vous, vous devez vous soustraire à l'unification et à la naturalisation, à la transformation juridique de ce que vous êtes, et vous relancer en permanence, première chose. Donc, la question, elle n'est pas seulement celle-là, la question, elle est aussi de penser les formes collectives de co-appartenance par des pratiques d'expérimentation, de questionnement, de remise en cause, d'innovation, les termes nouveaux, extrêmement matériels, dans le seul espace possible, c'est-à-dire l'espace historique et social de la vie partagée, mais que vous ne devez pas penser cette expérimentation comme rendue possible par des sujets préexistants. Vous devez penser à l'inverse, que l'expérimentation des formes de co-appartenance, de coexistence, les modes de vie, construisent des sujets. Bref, et c'est ma dernière phrase, subjectivation, c'est un processus, et sujet, si on veut récupérer le mot, ou subjectivité, c'est le terme toujours nécessairement provisoire, individuel ou collectif, peu importe, qui est le résultat momentané de ces pratiques. La forme du rapport à soi fait paradoxalement du soi le produit de ce rapport, et non pas la condition de ce rapport. Il ne faut pas du soi pour qu'il y ait du rapport à soi. Il faut du rapport à sa propre existence, à son propre corps, à ses propres affects, pour qu'il y ait quelque chose que je puisse nommer provisoirement, quelque chose comme un soi. Je suis désolée d'avoir été aussi longue et du coup d'avoir coupé la partie qui me... C'est là que je voulais arriver. Bon, mais on aura peut-être l'occasion dans la discussion d'y revenir. En tout cas, merci beaucoup, Judith. Tu as en tout cas pour moi clarifié plein de choses, notamment sur les différents emplois qu'on avait de subjectivation. Et moi, dans ma tête, il y avait encore une confusion entre les modes de subjectivation aliénants, réifiants, etc., et puis les modes de subjectivation, comme tu l'as montré, qui impliquaient le sujet lui-même. Et là, donc, tu as réussi à clarifier ça pour moi, et je t'en remercie beaucoup. J'ouvre peut-être tout de suite la discussion où je profite de mon droit du coup pour poser et lancer la discussion en posant une première question. En fait, je me demandais, dans les trois modèles que tu as présentés de subjectivation, il y avait donc le subjectivation par les discours de savoir, ça c'était un premier modèle, le deuxième c'était les pratiques divisantes, et puis le troisième modèle sur lequel tu as le plus insisté, des pratiques où le sujet était impliqué lui-même. Et il me semblait en fait que dans les sciences humaines, on insistait habituellement, alors c'est peut-être mon ignorance à moi, mais je trouvais qu'on insistait plus sur les deux premiers, c'est-à-dire sur les modèles où on va greffer une identité à des gens, ou bien sur le modèle où des pratiques vont être à la fois divisantes ou bien aliénantes, donc le deuxième cas que tu avais présenté. Moins sur le troisième cas, enfin moi j'ai pas d'exemple de sociologie ou d'ethnologie où on insisterait sur le cas de groupes, je sais pas comment il faudrait les dire, même de collectifs, de sujets qui se produiraient eux-mêmes. Je crois pas que c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors, du coup, une question très large, mais est-ce que déjà tu serais d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que je suis totalement à côté? Et selon toi, pourquoi? Enfin, pourquoi est-ce que en sociologie, en ethnologie, on n'insisterait pas là-dessus? Est-ce que c'est un problème épistémologique? Est-ce que c'est une sorte de blocage, enfin, ou de corpus qui fait que, ben voilà, on est équipé pour étudier les pratiques d'aliénation, mais beaucoup moins ce qui serait l'inverse de ce cas-là? Mais je pense que ça pose des problèmes qui sont des problèmes techniques, des problèmes de méthode. Par exemple, moi j'ai toujours été frappée de la manière dont on peut lire en parallèle à la fois la description que Foucault fait dans Les mots et les choses, qui est quand même une archéologie des sciences humaines. L'homme est construit comme objet dans les sciences, dans un ensemble de sciences qu'il lit en parallèle et qui sont les sciences du langage, les sciences naturelles, les sciences économiques, et à chaque fois l'homme est objet de ces différents registres. Donc ça interroge en réalité tous ces savoirs sur l'homme qui sont des savoirs objectivants, qui sont par ailleurs intéressants, etc., mais qui sont des savoirs objectivants. Et la manière dont, 10 ans plus tard dans Surveiller et Punir, enfin 9 ans plus tard dans Surveiller et Punir, Foucault dit, au 19e siècle, non seulement on reconstruit l'individu pour le mettre au travail dans l'usine, mais en réalité on utilise exactement les mêmes techniques qu'on a utilisées un siècle, 60 ans, peut-être un siècle plus tôt, dans l'émergence des sciences humaines, à savoir, et il donne la figure, et c'est le tableau. La taxinomie. Ouais. Alors, la question, quand je vous disais, c'est un problème de méthode, comment est-ce qu'on peut penser des sujets, qui soient individuels ou collectifs, sans les penser en série, sans les penser en hiérarchisant les éléments de la série, la question du rang, ou de la position, ou de la population, quand je parlais tout à l'heure des statistiques, sans penser le rapport du cas à la loi générale. Et toutes ces figures-là sont logiquement, en réalité, des manières de traiter le singulier par rapport à des principes d'ordre, qui sont des principes d'ordre dont Foucault a détaillé précisément l'émergence. Alors ça pose un problème de méthodologie, parce que même lorsque vous faites intervenir, par exemple dans les méthodologies participatives en sociologie, les personnes sur lesquelles vous enquêtez, la voix de ces personnes, elle est entièrement recodifiée par la reconstruction ou le rendu que vous en faites dans un contexte très, très net. C'est le grand argument qu'on a opposé à Bourdieu, dont on disait que le point aveugle de la sociologie était sa propre position, dont il ne rendait jamais compte, etc. Et singulièrement, mais ça serait un sujet trop long, mais moi c'est ce qui m'intéresse en ce moment, je pense que singulièrement la science humaine et sociale qui est allée plus loin dans le retravail de cette possibilité de traiter le cas, non pas par rapport à la loi générale ou par rapport au tableau ou par rapport au principe d'ordre, mais comme cas lui-même, c'est l'historiographie. Et c'est pas un hasard si Foucault doit aux historiens énormément, je pense à Paul Venn par exemple. Il y a une tentative de repenser le cas. Alors ça arrive en philosophie depuis quelques années, cette idée de penser le cas en lui-même et non pas par rapport à la loi générale, ou de penser le cas indépendamment de quelque chose qui serait de l'ordre du principe d'ordre. Il y a un volume collectif qui a été fait à l'EHESS il y a quelques années, qui était dirigé par, si je me souviens sûrement, par Passeron et par Jean-Claude Passeron et par Claude Imbert, qui est à l'origine une logicienne, qui a quand même traduit Frege et travaillé sur la logique avant de passer à la philosophie continentale et travailler sur Foucault, et qui s'appelle Penser par cas. Qu'est-ce que c'est que penser par cas et non pas penser par taxinomie et ou tableau, par exemple? Alors moi je suis philosophe, mais je pense que c'est intéressant du coup de dialoguer avec des gens qui sont en dehors de la philosophie et qui sont obligés de rendre compte de cas. De l'intérieur même de la philosophie, il y a une autre chose qui me venait et qui était les expérimentations. Alors c'est à cheval entre la philosophie politique, la sociologie politique et la science politique. Et là aussi, ce qui est très étrange, c'est qu'on voit émerger ça au même moment dans différents contextes de pensée et même dans différents pays. Et en France, ça émerge entre la fin des années 40 et la fin des années 50, par exemple dans les premiers numéros de Socialisme ou Barbarie, la manière dont on peut rendre compte philosophiquement et aussi du point de vue de l'analyse sociologique et politique d'une voix singulière. Qu'est-ce que c'est que rendre compte d'eux sans parler à la place d'eux ou parler d'eux? Non pas parler de quelqu'un, mais faire parler quelqu'un. Et quel statut épistémologique on accorde à cette parole-là? C'est un peu la même question que Certeau se pose après en 68. Comment est-ce qu'on peut rendre compte de cette parole-là sans la réifier ou l'objectiver, et en même temps en la rendant pensable? Et je pense que c'est un problème qui circule partout dans les années 50 et 60 de manière différente. Et quand c'est philosophique, enfin dans le contexte de la philosophie, ça prend des visages très, très, très variés, pas toujours compatibles, parfois très littéraires. Alors je vous donne plusieurs possibilités, mais il y en a plein. Hein. Alors que du côté des sciences humaines et sociales, c'est posé davantage comme un problème méthodologique et donc c'est plus clair. Mais en philo, par exemple, tout le problème de la parole soufflée chez Derrida, comment est-ce qu'on peut rendre compte d'une parole sans la souffler? C'est-à-dire sans l'aplatir, la voler, l'aplatir subrepticement à celui qui la profère et la faire autre parce qu'on l'objective et que du coup on l'arrache. Comment est-ce qu'on peut parler de Jabès ou d'Artaud sans transformer Artaud en un cas d'école, hein, par exemple, ou un cas psychiatrique. Et du coup, la parole soufflée, c'est un texte de Derrida dans l'écriture et la différence, 67, et c'est vraiment ce problème-là. Le problème de Lacan, comment est-ce qu'on peut parler de l'inconscient sans le faire en termes qui soient des termes de la conscience ? C'est-à-dire en écrasant l'inconscient sous les catégories de la conscience, ou en faisant l'inconscient une dépendance de la conscience, comme dans les topiques freudiennes, et ça donne... l'inconscient est structuré comme un langage. Un langage, pas le langage, il n'y a pas du langage, il y a des langages. Et ils ne sont pas compatibles entre eux. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour développer une pratique de cure, analytique, sans cette réduction-là ? Tout ça, c'est, je pense, cette même problématisation, la manière dont on laisse parler sans réduire. Alors Foucault dirait, et je pense que c'est ce à quoi il arrivait à la fin, en fait, on est piégé parce qu'on est toujours dans le parler, dans le dire. Peut-être que c'est la solution, c'est aussi d'expérimenter la suspension du dire et le redéploiement de quelque chose qui se fait sans nécessairement le dire, le langage. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on agit ? C'est beaucoup plus facile de rester dans un espace d'autonomie, et c'est beaucoup plus, à l'inverse, difficile de réduire ou d'objectiver des actions et des pratiques. Justement à ce propos, est-ce que Foucault développe des analyses de pratiques qui ne sont pas justement de l'ordre discursif ? On a en tête l'analyse des pratiques stoïciennes, une pratique de l'écriture qui n'est pas sous l'égide du logos, qui est autre chose, mais qui reste quand même... Il y a une dans le cours de 84, c'est très étonnant parce que alors il y a mille raisons à ça. Il y a eu une fameuse polémique Derrida-Foucault en 64 et du coup enfin 63, je veux dire 64 et du coup 20 ans après Foucault y retourne et dit en réalité cette histoire de l'écriture, du privilège de l'écriture par rapport à la parole, Derrida, c'est absolument n'importe quoi parce que l'écriture c'est l'espace par définition de la requalification objective. Quand vous écrivez, vous êtes foutu. En réalité. Ce qu'il faut, c'est parler comme un acte. Là, on est dans le performatif. Et encore, il y a encore du discours. Ce qu'il faut, c'est l'acte. Et du coup, plus que les stoïciens, et c'est la fin du cours de 84, plus que la parésia socratique ou la parésia stoïcienne, ce qu'il faut, c'est essayer de travailler à partir d'eux. Ça ne veut pas dire refaire, ça veut dire réfléchir à et actualiser si on peut. La parésia cynique, parce que la parésia cynique, les cyniques, il n'y a rien, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte, pas parce qu'on les a. On a quelques gestes, c'est vraiment les gestes au sens des gestes médiévaux, des récits de ce qu'ils faisaient, plein de trous. Mais la rareté du corpus, elle est parce qu'ils ne laissaient pas de parole. Ils agissaient. Et ils agissaient, quand on y pense, toujours dans un espace qui est celui de la vie partagée, c'est l'espace de la police, la place publique. Je m'assure en public, je mange par terre, etc. Toujours ensemble, et pourtant toujours singulièrement. Donc ils ne sont pas réduits les uns aux autres, et pourtant ils ne sont jamais isolés les uns des autres, ce qui est quand même très, très étonnant. Et Foucault dit, on passe de, puisqu'on est dans le cadre des analyses sur la parésia, sur le dire vrai, on passe du dire vrai au vivre vrai, en suspendant la référence au logos. Ça n'intéresse plus. Ni d'écrire, ni de parler. Ou plus exactement, on a perçu que c'était le piège. Ce qu'il faut, c'est agir. Voilà. Alors, ça pose la question, par exemple, de l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est une pratique de parole. Et du fait que Foucault dit ça au Collège de France. Et que, qui plus est, il dit ça, c'est très bizarre. Parce que les premiers cours qu'on a, on a les manuscrits, on a des paquets, des dossiers en préparatoire avec des fiches, elles sont un peu moins rédigées que les miennes, mais voilà, on a des fiches avec des bouts de citations, des flèches, des numéros de pages, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure que le cours avance et qu'on s'approche de ce travail sur les pratiques sans médiation du logos, Foucault se met à écrire de manière absolument compulsive tout à la virgule près, comme le texte que j'avais sous les yeux, y compris les formes d'oralité non prévues, du genre... Bon, là, on va pas avoir le temps, mais, virgule. Ce qui est quand même très étonnant. Et du coup, on a beaucoup réfléchi avec en particulier avec Frédéric Gros, qui a édité le cours, enfin, les deux derniers cours. On a beaucoup réfléchi au statut des cours au collège, parce qu'en plus, là, on parle ensemble. Il faut que j'arrête de parler parce que je parle trop. Là, on parle ensemble, mais au collège, la règle implicite, encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de questions-réponses. Donc on arrive, on fait un topo, si je ne sais pas si vous êtes jamais allé, il y a un topo, puis après, c'est fini. À l'époque, il n'y a pas les iPhones, donc il y a plein de micro-cassettes, et après, c'est fini. Donc Foucault n'arrête pas de dire, hein, c'est dommage qu'on ne puisse pas parler, etc., mais en même temps, la règle est qu'on ne peut pas parler, point. Pour quelqu'un qui développe un discours sur le dire vrai, le passage du dire vrai au vivre vrai, c'est quand même très étonnant. Et en fait, quand on écoute la voix de Foucault, plus que quand on lit les textes, mais même quand on lit les textes, il y a quelque chose de très étonnant qui se passe et qui est plus du registre, plus seulement du registre simplement de la pratique langagière, du discours, de l'enseignement comme pratique de discours, voilà, et qui est une pratique tout court et qui est une expérimentation tout court. Et cette expérimentation, Foucault dit, ce qu'il appelle l'expérimentation, il dit c'est aussi l'expérience. C'est un moment de transformation. Il dit, j'appelle l'expérience ce dont on sort transformé, une vieille définition. Et effectivement, lorsqu'il sort de ses cours, il n'est plus le même. C'est qu'il ne pense plus pareil. Il n'a pas dit exactement ce qu'il avait écrit, même s'il a tout écrit, et il ne pense plus pareil. Et les gens qui assistent disent tous, et c'est très étonnant, on n'est plus les mêmes. Quelque chose comme une transformation réciproque dans la pratique de pensée s'est faite. Alors, il y avait du discours, mais finalement, ce n'était peut-être pas la chose la plus importante. Oui, merci. J'avais en fait une remarque d'abord avant la question, par rapport à la question sur les raisons pour lesquelles le troisième mode de subjectivation n'avait pas plus donné lieu que ça à des études anthropologiques, la manière dont le sujet se constitue lui-même. Parce que, finalement, je ne dirais pas ça. Il y a un courant assez important de l'anthropologie en ce moment qui s'intéresse justement à l'éthique à partir du dernier Foucault, et avec des références explicites à la cultivation de soi, et la manière dont ça peut donner lieu à des formes historiques, finalement. Ces formes historiques qui sont fondées sur la cultivation de soi. Donc c'est des contextes souvent contexte monacal et ascétique, mais pas toujours. Les notions de cultivation de soi, justement, sont souvent des mots-clés très performants en anthropologie, surtout chez les anglo-saxons. Laidlaw, entre autres, vient de publier son bouquin qui fait la synthèse sur son travail sur liberté, éthique et cultivation de soi. Ok. Et je crois que chez les Américains, ça aussi. Tous les mouvements, comme une sorte des biographies, travailler sur une seule personne. Ça, c'est autre chose, parce qu'ils ne le font pas, mais effectivement, ouais, il y a aussi ça. Mais ça va quand même dans les. Et j'avais une question par rapport à la notion d'invention. Pour savoir dans quelle mesure cette notion et l'interrogation sur ce chiasme dont vous avez parlé, la possibilité de se transformer au sein d'une forme historique déterminée et potentiellement déterminante, dans quelle mesure cette notion d'invention était liée ou pas en continuité ou en écho avec celle de Michel Lucerteau, justement, qui étudie d'un autre point de vue, finalement, les investissements tactiques de structures stratégiquement instituées. Et s'il y avait, j'imagine qu'il y a une parenté, parce que de certains, en tout cas, la revendique, mais est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'il y a un décalage de l'apport de Foucault, qui est écrit un petit peu après, du coup, j'ai l'impression? Ou est-ce que c'est vraiment le même souci? Non, je pense qu'il y a un lien très fort. Il y a un lien qui a été peu étudié, hein, le lien Certeau-Foucault. Et parce qu'on connaît de Certeau le rire de Foucault, etc. Mais en réalité, Foucault lui doit énormément parce que c'est le premier qui a dit à Foucault à la fin des années 60, en réalité, on ne comprend pas ce qui permet quelque chose comme une instance de transformation, par exemple de soi par soi. Mais à l'époque, ce n'est pas de soi par soi, c'est de l'histoire. On ne comprend pas pourquoi est-ce que, pour le dire dans les termes de l'époque, on passe d'une épistémée à une autre. Ce qui fait qu'on passe d'un système de pensée à un autre. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on passe d'une forme historique ou d'une nappe d'économie, de savoir et de pratique à une autre, par exemple. On a l'impression que c'est non-pensé. Et du coup, ça oblige Foucault à penser la transformation. Et c'est parce qu'il essaie de penser la transformation qui va être obligé de penser quelque chose comme un statut de l'invention ou de la métamorphose. Alors cette invention-là, elle est, encore une fois, jamais l'envers ou l'autre des déterminations. Elle se donne dans les déterminations et dans l'histoire. Et là, je pense que c'est quelque chose qui doit profondément à Certeau. Donc il faut penser ensemble, invention et détermination, première chose. La deuxième chose, c'est que cette invention, elle se fait jamais dans le vide. Non seulement elle est historique et elle est à l'intérieur du maillage des rapports de pouvoir, etc., etc., mais elle se fait toujours à partir de la reconnaissance préalable, et c'est vraiment une condition de possibilité, d'espace au pluriel, ou de substance au sens grec, c'est-à-dire de matière, de morceaux, que l'on peut subjectiver. Qu'est-ce qui, dans mon rapport de moi à moi, peut aujourd'hui, pas hier, pas demain, aujourd'hui, dans le contexte qui est le mien, être matière à une subjectivation autonome? Il est évident que pendant toute une période de l'Antiquité classique, en particulier grecque, la sexualité a été un espace de subjectivation autonome. Et puis il y a un moment où, et ça fascine Foucault, déjà dans la culture grecque, il ne faut pas attendre la culture chrétienne, l'institution du mariage, l'institutionnalisation du mariage fait que ça se tord et que ça disparaît progressivement. Mais il y a d'autres espaces à trouver. Il est évident que la référence à la vie animale, je pense aux cyniques, a été pour la culture grecque une manière de déconstruire de manière critique le conventionnalisme et les institutions de la police. Donc manger comme un chien, cynique. Voilà. Et en même temps, à partir du moment où la naturalité devient, à son tour, époque moderne, une référence pour essayer de construire des populations objectivées, ça ne marche plus, parce que si vous vous référez à la nature, vous vous piégez vous-même. Donc il faut au contraire dénaturaliser, désindividualiser et désidentifier. Donc Foucault dit, ce qu'il faut, c'est une activité de diagnostic. C'est-à-dire penser à la fois les déterminations et l'invention ensemble, et penser l'invention à partir d'une cartographie extrêmement précise des déterminations qui nous traversent, qu'il faut d'abord reconnaître dans notre propre temps, pour pouvoir après voir où tordre, où repousser, où expérimenter, où innover, ou inventer, etc., etc. Et cette cartographie-là, ce qu'il appelle l'activité du diagnostic, passe par des investissements qui sont des investissements tactiques de lieux institutionnels ou par leur refus, peu importe. Ça peut passer par l'investissement de ce lieu institutionnel du savoir qui s'appelle le Collège de France, par exemple. Il suffit de le tordre. Il suffit de voir comment ça fonctionne et le temps. Donc la question pour nous aujourd'hui, c'est une question qui hante en permanence ces deux textes dont j'ai pas parlé, dont je voulais parler, mais c'est pas grave, mais qui fonctionnent très bien en miroir par rapport aux analyses de la Parésia, qui sont les deux commentaires de Qu'est-ce que les Lumières. La question, et c'est vraiment Foucault le fait scander vraiment. Quelle est la différence possible? Quelle est la différence possible? Où est-ce qu'elle peut se passer? Voilà. Alors c'est vrai que le travail de l'ethnologie a montré des différences possibles déplacées dans l'espace. Foucault a montré des différences possibles déplacées dans le temps, dans le passé. Et puis il y a un moment où il faut retourner politiquement ces questions-là en disant quel peut être le champ des expérimentations de différences ici, quel que soit l'ici dans lequel vous vous situez, et maintenant. Et là, on n'est plus dans l'histoire des modes de subjectivation passés, et on n'est plus dans la description des ailleurs par rapport à la modernité occidentale. On est dans l'urgence politique. Moi, du coup, j'ai une question, elle est un peu massive, mais en gros... Enfin, en gros, moi, j'ai l'impression qu'on peut tirer du troisième modèle de la subjectivation dont vous avez parlé, le fait que, bon, d'une part, pour Foucault, la subjectivité, elle n'est pas donnée, mais en plus, faut bien voir qu'elle n'est pas formée au sens où elle est contrainte. Enfin, il refuse un pouvoir de la norme qui viendrait contraindre la forme de la subjectivité. Et donc, il y a quelque chose de beaucoup plus productif et de beaucoup plus positif dans ce qu'il décrit. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il ne décrit pas comment ça marche positivement. C'est-à-dire que, et là-dessus, je rejoins un peu la question de Vincent. Moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup que, mine de rien, dans les textes de Foucault, alors ça tient probablement à ses sources, hein, mais il est très peu question de pratique, il est beaucoup question de choses qui sont transmises de façon discursive. Par exemple, si on prend la question de la manière dont il analyse la sexualité chez les Grecs, chez les chrétiens, etc., il va travailler soit sur des textes relatifs à la sexualité et aux aphrodisias dans le monde grec, soit à la pratique de la confession et de l'aveu dans le monde chrétien, et par exemple pas du tout à qu'est-ce que ça représente concrètement d'aller au confessionnal tous les dimanches, et toutes ces choses-là qui sont en fait le fait d'être pris dans un tissu de pratique extrêmement réglé et qui oriente un peu du coup les futures actions à venir. Et en fait c'est ça mon problème, c'est que j'ai du mal à comprendre comment marche la formation de la subjectivité. Je sais pas, est-ce qu'il y a des moments où il décrit positivement comment ça marche ? Parce que typiquement dans les textes de gens qui travaillent sur les ethos ou sur les pratiques, en général il y a des concepts intermédiaires, j'ai l'impression comme le concept d'idéologie chez Althusser ou le concept de schéma de perception chez Bourdieu, etc., qui permettent de comprendre cette transition entre le fait de faire quelque chose et le fait d'en être modifié, et que ça va conditionner ou disons transformer la forme de l'action à venir et orienter notre rapport à notre action future. Et ça, j'ai du mal à voir ce passage-là, en fait, chez Foucault. Mais il n'y est pas. Je pense qu'il n'y est pas parce que... Enfin, il y a de temps en temps, il y est, mais en général, il n'y est pas, mais parce qu'il ne veut pas qu'il y en ait. Parce que si vous réintroduisez Duchesne, ou si vous réintroduisez... c'est pour ça qu'il n'y a pas d'idéologie. Outre le fait qu'il y a quand même du rapport à l'histoire, qui est quand même un énorme rapport... Enfin, un énorme problème du rapport Foucault-Althusser, tout est historique chez Foucault. Et ça, c'est pas possible pour Althusser. Mais si vous réintroduisez ce niveau-là, en réalité, vous réintroduisez quelque chose comme de la condition de possibilité de compréhension ou de saisie par un discours de savoir qui suppose une unification ou une objectivation. Bah ça, je suis d'accord. Mais du coup, il le fait quand même d'une certaine manière. Par exemple, alors, il le fait dans les textes qui sont des textes archéologiques, c'est-à-dire sur le passé. Il le fait pas sur le présent. Et en réalité, si vous y pensez, toute l'histoire de Foucault est émaillée par des expériences au sens propre, qui sont des expériences de pratique ou des expérimentations de pratique, dont il ne peut pas rendre compte par le discours, parce que le discours écrase et réinsère dans une grille normative produit du savoir. Et en même temps, il faut bien qu'il essaie de comprendre comment ça fonctionne, parce que politiquement, il voudrait que ça puisse être vrai pour aujourd'hui. Et donc, si vous y pensez, le point de départ absolument fondamental, je pense que pour Foucault, c'est le GIP, Groupe Information Prison, 1971, pardon. Ça dure un an et demi, deux ans quasiment. Et pour Foucault, l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe dans une situation où des détenus revendiquent discours, demandent des savonnettes, de la télé, des parloirs, voilà. Et bien entendu, au bout de quelques mois, le ministère de l'Intérieur leur donne tout ça. Et donc voilà, c'est fini, c'est plié. Le discours est réenglobé. Et pourtant, il s'est produit quelque chose qui n'est pas effaçable et pour lequel on ne peut pas revenir en arrière, et qui est un mécanisme de subjectivation des détenus eux-mêmes, des détenus et des gens qui sont avec les détenus, les familles, les assistants sociaux, les travailleurs sociaux, ça dépend lesquels, etc., enfin certains en tout cas, et le GIP dans son ensemble, et qui excède ce qu'on demande par les mots. Parce que les détenus demandant des savonnettes, ce n'était pas les savonnettes qui étaient importantes, c'était le fait de demander qui était important. Alors, comment est-ce que je rends compte de ça ? Là aussi, je parlais tout à l'heure de Philippe Artière, et je ne vous ai pas donné le titre du livre, de publication des textes de l'archive La Cassagne, qui s'appelle « Le livre des vies coupables ». C'est absolument incroyable. C'est pas pour la peine, mais c'est 10 textes, on dirait du Stendhal, parfois. C'est des récits de vie échevelée produits pour la Cassagne. et en même temps très ambigu, parce que plein de choses trappent. C'est très étonnant. Alors, dans la même série de textes, Philippe Artière a fait juste après, a publié avec Michel Zancarini-Fournel, l'archive du GIP. Et c'est assez intéressant parce que Foucault ne produit pas de discours sur le GIP. Foucault participe au GIP, agit avec le GIP, mais pas comme le chef, parfois comme celui qui lit les trucs parce qu'il a accès aux médias. Donc il a plus de voix, comme Simone Signoret a plus de voix et accès aux médias. Mais c'est pas lui qui écrit les textes, exactement comme c'est pas Genet qui signe tous les textes du GIP, c'est écrit en collectif. Et c'est de la pratique non attribuable d'un sujet totalement hétéronome, pas unifié et pas identifiable, où il y a, encore une fois, à la fois les détenus de la centrale de Toul, les assistants sociaux, des militants de Mao de la JP, Simone Signoret, et François Châtelet, ou Deleuze, ou Marianne Merleau-Ponty, enfin, c'est qui? Et c'est pour ça que ça marche. Et Foucault se rend compte de ça. Juste après, il publie Pierre Rivière, qui est ce texte absolument hallucinant, écrit par un jeune parricide, normalement illettré et qui ne l'est pas, normalement complètement fou et qui aurait été écrit un texte pour justifier ce qu'il a fait, et qui est un non-objet. Il n'arrive pas à penser comme objet, c'est pas comment faire, c'est pas un... Et Foucault dit dans sa présentation, puisqu'il publie l'archive, dans la collection Archive, il y a une petite texte de présentation, un petit texte à la fin de Jean-Pierre Péter, et il dit, je cite de mémoire parce que je ne me souviens plus exactement la phrase, c'est quasiment la phrase, je suis resté ébahi et silencieux, devant le parricide aux yeux roux. Je peux rien dire. Parce que je ne peux pas parler sur un non-objet. J'en fais quoi? Je peux lire son mémoire, c'est pas un objet. J'arrive pas à le. Je ne peux pas en faire un objet de savoir. Et ça, pour lui, c'est décisif. Parce que la question devient, comment est-ce qu'on peut produire du discours comme Pierre Rivière, ou des pratiques comme les gens les détenus du GIP, qui ne soit pas susceptible d'être repris sous la forme d'une objectivation. C'est des machines de guerre. En réalité, c'est ce qui le fascine depuis le début. Si vous lisez au tout début des mots et les choses, l'encyclopédie chinoise de Borges, qui détaille l'encyclopédie chinoise de l'empereur qui se compose de petit a, petit b, petit c, c'est une taxinomie. Et en fait, si vous lisez la taxinomie de Borges, à la fin, vous n'arrivez pas à vous représenter un objet unifié parce que c'est tordu logiquement à l'intérieur. Et donc, ça ne fait pas un objet. Et Foucault dit, on peut bien dire cela, mais on ne peut pas le penser. Ben, le problème politique, c'est comment est-ce qu'on peut dire ou faire des choses sans les rendre objectivables. Alors ça, c'est du côté politique, puis après il y a le côté Foucault-philosophe, et qui est que si lui-même rend compte des choses qu'il décrit, il les écrase. Donc il va être tout le temps dans cette ambiguïté-là entre en parler et pas les objectiver. Je vous disais le GIP, même problème pour l'antipsychiatrie, moins l'antipsychiatrie en réalité, à laquelle il n'a pas été si lié que ça, même pas du tout, parce qu'il a lu Lyne Cooper... après avoir écrit Histoire de la folie, il ne connaissait pas, mais tout le rapport de Deleuze-Guattari, enfin tout le rapport avec la Borde et avec la psychiatrie institutionnelle, c'est des pratiques. Comment est-ce qu'on fait pour en parler sans objectiver des pratiques qui, précisément, au contraire, tordent le niveau d'objectivation? Et encore, 78, révolution iranienne, moment fondamental pour Foucault, soulèvement populaire. L'Iran se soulève contre le Shah d'Iran. Et Foucault va là-bas plusieurs fois et essaie de décrire ce qui se passe lorsque des gens, littéralement, dit-il, prennent leur vie dans leurs mains. C'est exactement comme l'histoire de l'Argonne et de la tribée dans le cours. Mettre les mains dedans. Prennent leur vie dans leurs mains. Et évidemment, ça se termine mal. C'est pas évidemment, mais il y a ça se termine mal très rapidement parce que ça devient la dictature des imams, etc., etc. Et Foucault dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que ça a donné. Ce qui m'intéresse, c'est le type de pratique sur le moment de ce que c'est que renverser le pouvoir et prendre sa vie dans ses mains. Sauf qu'en le décrivant platement, comme un soulèvement, bien entendu, moi, on me demande de rendre compte après des formes institutionnelles de pouvoir qui sont nées sur ce terrain-là, etc., etc. Donc à chaque fois, je pense que la question, elle est... Et puis le dernier point, ce serait le mouvement gay. Comment est-ce qu'on peut à la fois se dire gay, revendiquer des droits qu'on n'a pas, et ça vaudrait pour aujourd'hui, hein, ce qui est le cas de Foucault à partir de 76 en Californie, et en même temps dire, ne pas, je vous avais cité le passage volontairement, ne pas s'identifier au masque psychologique ou au trait psychologique du gay, mais faire jouer la désidentification. Ça implique une approche qui soit une approche stratégique. Donc toujours être conscient de que la manière dont on utilise les instruments qu'on a à disposition, en philosophie ou ailleurs, les concepts pour les philosophes, ou les catégories, ou les ensembles, ou les tableaux pour les sciences humaines et sociales, sont des machines piégées, le sachant les utiliser, mais les utiliser y compris à rebours de leurs propres fonctions. Je pense que c'est ce que Foucault a toujours essayé de faire en réalité. Alors je suis bien d'accord que c'est pas évident. Je voudrais juste rebondir sur l'échange, parce qu'en fait je trouve que c'est une question, moi aussi j'ai le même problème que un tout petit peu que posait Daphné, à savoir bon, j'essaie de comprendre à la fois votre réponse et le problème que soulevait Daphné. Le problème, si je résume avec une main à droite, c'est en gros ce que vous dites, c'est Foucault cherche à éviter une objectivation a posteriori des pratiques qu'il mettrait en discours, en s'attachant à analyser non pas des pratiques, mais des choses qui sont déjà mises en discours, finalement. Parce que ce que vous dites, c'est qu'il a toujours bien pris soin dans son action politique, disons dans ses formes d'engagement, d'éviter de produire en fait un discours dont il serait l'autorité ou le sujet, parce que ça constituerait la base d'une première objectivation qui serait ensuite susceptible de transformer, de manipuler, toutes ces pratiques. C'est ça, j'ai bien compris. Oui, mais je pense que c'est plus que ça. C'est plus que ça, pas seulement par. Alors, la question, c'est qu'on est obligé, vous et moi, de parler sur. Oui. Quel que soit notre domaine de compétence. Sur des objets ou sur des problèmes. Et il est évident que Foucault est obligé de parler sur, et on lui demande de parler sur, et il le fait. Mais en même temps, il a l'idée que il faut aussi être conscient que parler sur, ça n'est pas neutre. Il faut simplement être conscient du fait que parler sur, c'est construire des objets. On n'y échappe pas. Mais il faut en être conscient. Et puis après, il faut développer à côté, et de manière entrelacée, parce que c'est indissociable et c'est un chiasme, non pas, pas du parler sur, mais du parler avec. Et peut-être même pas du parler, mais du agir. C'est un double décalage. Qu'est-ce que c'est que agir avec comme moteur de réflexion? Et c'est la dernière chose sur laquelle moi je voulais intervenir, mais j'ai pas eu le temps, et qui était qu'il y a une réflexion sur le statut de l'expérimentation. Le mot expérimentation apparaît chez Foucault à la fin. Il y a expérience, ce dont on peut se transformer, et il y a expérimentation. Et ça apparaît dans un des commentaires sur Kant, ce qui est très bizarre, parce que si vous y pensez, toute l'entreprise des critiques, quand c'est des trois critiques de Kant, elle est sur une évacuation de l'idée de l'expérimentation. Que puis-je penser? Que m'est-il permis de croire? Voilà. Pour la pratique. Et puis après, il y a le jugement esthétique, etc., etc. Mais finalement, pour la critique de la raison pure, pour la critique de la raison pratique, et pour la critique du jugement, en réalité, l'expérimentation est en dehors de quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise, de la reconnaissance des limites. Et Foucault dit, Kant nous sert, mais pas ce Kant-là, c'est pas le Kant des critiques qui nous sert. Le Kant qui nous sert, c'est le Kant qui assiste à son propre temps et qui se dit, c'est la première fois, en tout cas c'est ce que dit Kant, que les hommes prennent en main, toujours cette image de prendre dans les mains, leur propre vie. C'est ça les Lumières. Qu'est-ce que les Lumières? C'est faire émerger la question de l'actualité comme l'urgence de la réflexion, l'urgence de la pensée, mais aussi l'urgence de l'action. L'actualité, c'est ce qui demande d'être pensé et aussi agi. Et là, il y a l'expérimentation possible. Il faut expérimenter dans l'actualité. Alors, ça demande du risque, et l'autre repérage que j'avais fait des textes, mais aussi j'ai pas eu le temps, c'est qu'il y a une insistance de Foucault permanente sur l'idée du risque. Le risque, l'épreuve, le danger, le scandale, l'exposition. Et ça court dans les derniers cours, comme une sorte de sous-texte permanent. Alors vous allez dire, ah oui, mais aujourd'hui, on a des calculs de... On m'a souvent dit ça, objecté ça. Le calcul du risque est aujourd'hui une manière de définir l'agency, enfin la puissance d'agir des sujets. On vous dit, alors là, vous êtes ça, ça, ça et ça, objectivation, et donc vous avez tel risque de développer telle chose, mais vous avez aussi telle possibilité de faire telle chose, etc., etc. Les statistiques actuarielles de la statistique, de la pratique des assurances, par exemple, sont entièrement fondées sur ça. On prévoit donc pas, on ne dit pas seulement ce que vous êtes, l'objectif, mais on prévoit ce que vous pourriez être dans le futur. Voilà. Quand on sait que François Eval, qui a été l'assistant de Foucault au Collège de France, a été pendant des années après, plus tard, entre la fin des années 80 et le début des années 2000, d'abord le conseiller de l'Association française des assurances, puis le conseiller numéro 1 du président à l'époque du MEDEF. On se dit que c'est pas seulement une question politique, c'est par ailleurs un formidable Foucauldien, c'est qu'il a renversé le truc en disant on va utiliser les processus de classification, d'objectivation, d'identification des gens et de leur comportement, y compris dans le futur, et on va en tirer des principes de gouvernement. Alors Foucault, me semble-t-il, développe une idée du danger qui est totalement différente de ça. Il ne s'agit pas de quantifier le risque objectif que l'on court à se comporter de telle ou telle manière, mais savoir ou percevoir ou saisir la différence qualitative du risque que l'on court quand on intervient au cœur du réel, dans sa propre actualité, et que cette intervention prend la forme d'une expérimentation qui, encore une fois, peut être langagière, mais c'est difficile parce que le langage vous piège, et qui peut être un geste. Et alors là, pour le coup, dans l'actualité, par exemple, j'y pensais en venant, on est entouré par des quantités de choses qui se produisent et qu'on a du mal à qualifier. Et c'est plutôt un bon signe, en réalité, tant qu'on a du mal à qualifier à la fois les acteurs et la nature de leurs gestes, mais que ce geste ouvre des questionnements et dérange des lignes qui sont des lignes de repérage, on se dit on est dans quelque chose que Foucault repère. Alors à la seconde heure du cours du 29 février 84, je vous le dis parce que c'est une année bissextile, donc c'est 29 février, donc ça fait rigoler tout le monde, et surtout parce que c'est 4 pages où Foucault trace très bizarrement une espèce de possible généalogie post-cynique après les cyniques. Qui pourrait être les cyniques après les cyniques, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Et donc il dit, je ne sais pas quoi, Grégoire de Nazian, certaines expériences de martyrs chrétiens, puis etc., etc. Puis hein, il arrive aux avant-gardes politiques et artistiques à la fin du XIXe siècle, aux anarchistes, au mouvement révolutionnaire, et puis on sent qu'il s'approche de sa propre position, et puis après il récupère sur la parésia et il s'arrête là. Et la question, elle est finalement, quel type de geste aujourd'hui, à la fois individuel et collectif, permet ce qu'il essaie de décrire, c'est-à-dire des réouvertures d'espace. Tu voulais renchaîner sur... Parce qu'il nous reste le temps d'une dernière intervention, si jamais tu veux reprendre la... Bon, et ben, il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, pour une intervention de Guillaume Cybertin-Blanc. Merci beaucoup.